Desdemona envoie alors Emilia chercher son mari, Iago. Et quand il arrive, Emilia dénonce violemment le traître, dont elle ignore l'identité, qui a troublé l'esprit d'Othello. Et Iago essaie en vain de la calmer avant qu'elle ne parte avec Desdemona. Arrive alors Roderigo, le gentilhomme vénitien, amoureux fou de Desdemona. Il reproche encore à Iago de n'avoir rien fait pour lui faire gagner les faveurs de Desdemona, malgré tout l'argent qu'il lui a fait dépenser, en bijoux notamment. Iago demande alors à Roderigo de tuer Cassio le soir même pour retarder le départ de Desdemona avec Othello. De son côté, Othello exige Desdemona qu'elle renvoie sa chambrière et qu'elle se mette au lit tout de suite, car il ne va pas tarder à la rejoindre. Desdemona clame à nouveau sa fidélité à son mari. Alors qu'il fait nuit noire, dans une rue près de chez Bianca, la maîtresse de Cassio, Roderigo et Cassio se blessent mutuellement et appellent au secours. Iago survient et achève Roderigo. Mais Bianca arrive également et en présence des deux nobles vénitiens, Iago accuse Bianca d'être la complice de la blessure infligée à Cassio. Et comme Bianca est perplexe devant une telle accusation d'Iago, celui-ci a le culot de conclure. Le crime parlera toujours, même quand les langues seront muettes. Et quand survient Emilia, il rajoute « Voici la nuit qui doit faire ma fortune ou ma ruine ».